cimetière. C'est pas super mais ce n'est pas cher. Pas emmerdé par les locataires. Ce qu'il y a de bien c'est que je suis sous terre. On peut crier quand on s'envoie dans l'air. Mais par contre je manque un petit peu d'air. Et je suis bouffé par les vers. C'est mon cimetière à part. C'est mon cimetière à moi. Et le soir quand je rentre bourré, il n'y a personne pour m'engueuler. Surtout la nuit je peux dégueuler. Sans être obligé de nettoyer. C'est mon cimetière à part. C'est mon cimetière à moi. Je sais qu'un jour ils vont craquer. C'est mon cimetière.